الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière mentionnée par le Cheikh Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala dans son livre intitulé « Adabul Mashi ila Salah ». Et nous allons voir aujourd'hui les paroles de l'auteur dans lesquelles il nous a exposé les choses qui sont détestables durant la prière. Et on entend par les choses détestables les choses qu'il convient aux prieurs de délaisser afin d'augmenter en termes de récompense. Car commettre ces choses durant la prière, bien que cela n'annule pas la prière, cela en diminue tout de même la récompense. Il a donc dit, rahimahullah, « وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَةِ Iltifatun yasir. Et il est détestable, durant la prière, de se tourner légèrement, c'est-à-dire de tourner son regard ou son visage. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Aisha radiallahu anha, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de se tourner durant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Ceci est une part volée que le diable dérobe de la prière de l'un d'entre vous. » C'est-à-dire que le moment où la personne tourne son regard, elle perd une part de sa prière. Il convient donc aux musulmans de faire preuve d'humilité durant sa prière, de se recueillir, de se concentrer et de ne pas se tourner à droite et à gauche, que ce soit de par son regard ou encore moins en tournant son visage. Car en faisant cela, tu cèdes une part de ta prière au diable. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, il convient au prieur de fixer son regard devant lui, et plus particulièrement vers l'endroit de sa prosternation. Et ce durant tout le long de sa prière, à l'exception du moment du tashahhud, où il jettera son regard en direction de son index. Donc ce qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah, concerne le fait de tourner son regard sans raison et sans besoin. Mais s'il y a un besoin à tourner son regard durant la prière, alors il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Et on peut mentionner l'exemple de la personne qui va tourner son regard vers l'imam pour voir où il en est dans sa prière et pour observer ses mouvements. On pourrait aussi mentionner l'exemple de la mère qui prie alors qu'il y a devant elle son enfant en bas âge. Il n'y a pas de gêne à ce qu'elle le regarde de temps à autre durant sa prière afin de s'assurer que tout va bien et qu'il n'est pas en danger. Donc ceci ne fait pas partie du détournement du regard qui est détestable. Également, la personne est d'autant plus excusée si elle tourne son regard en raison d'une crainte pour sa personne, ou pour son enfant, ou pour ses biens. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « Le fait de tourner le regard durant la prière est détestable sauf s'il y a un besoin. Et s'il tourne sa tête, de temps à autre, sa prière est valide. Mais on doit l'avertir à ce sujet et lui expliquer que ceci est détestable et que c'est un manquement dans sa prière, c'est-à-dire que la récompense de sa prière sera diminuée. » Et on a vu dans la parole de l'auteur, rahimahullah, qu'il parle ici du léger détournement du regard ou du visage. C'est cela qui est détestable. Mais si la personne se détourne en tournant sa poitrine, de sorte à ce que sa poitrine ne soit plus en direction de la Qibla, sans aucune raison justifiant cela, alors dans cette situation, sa prière sera invalide, car s'orienter en direction de la Qibla fait partie des conditions de validité de la prière. Et l'Émin al-Shaykh, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit une parole très profitable à ce sujet lorsqu'il a dit « Sache qu'à l'iltifat, le fait de se tourner, de tourner, son regard ou son visage ou autre, est de deux sortes. » Il a dit « Un détournement physique par le corps, comme en tournant sa tête ou en tournant son regard, et un détournement moral par le cœur. Et il explique cela en disant que ce détournement concerne les wasawis, les suggestions et les pensées qui traversent l'esprit de la personne et occupent son cœur durant sa prière. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que ceci est un mal dont rares sont ceux qui en sont préservés et qui fait partie des choses auxquelles il est difficile de remédier. Et peu sont ceux qui en sont préservés. Et ceci diminue de la prière de la personne. Puis le Cheikh de dire, rahimahullah, et si seulement ce n'était qu'un détournement partiel, mais c'est un détournement du début de la prière jusqu'à sa fin. Et il n'y a pas de doute que ceci est également concerné par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, c'est une part de la prière qui est volée, que le diable dérobe, de la prière de l'un d'entre vous. Donc le musulman doit veiller à se recueillir dans sa prière et à repousser toute pensée qui le détourne de la perfection, du recueillement et de l'humilité en prière. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ » et lever son regard vers le ciel, c'est-à-dire qu'il fait partie des choses détestables de lever son regard vers le ciel. Comme le démontre le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'ont donc certaines personnes à lever le regard au ciel pendant leur prière ?» Puis, il a tenu des propos très sévères à ce sujet, jusqu'à dire qu'ils cessent cela, sinon leur vue leur sera retirée. Sinon leur vue leur sera retirée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils risquent de perdre la vue et de devenir aveugles, wal'iyadu billah. Et ce, à titre de sanction pour le fait d'avoir orienté leur regard vers le ciel durant la prière. Et le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'en réalité ce hadith nous démontre que lever le regard vers le ciel est interdit et n'est pas seulement détestable. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sévèrement contre cela au point d'en mentionner une probable sanction et un probable châtiment, qui est la perte de la vue. Et il est connu qu'une telle sanction n'est mentionnée que pour une chose qui est interdite, et non pas seulement détestable. Et il a mentionné, rahimahullah, la raison de l'interdiction, qui est que ceci est un manque de comportement et un manque de politesse à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu pries, tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu te tiens debout devant lui. Tu dois donc faire preuve d'humilité et adopter un bon comportement, et ne pas lever ta tête, car ceci est un manque de politesse, d'humilité et de recueillement. Donc l'avis le plus juste à ce sujet est que lever le regard vers le ciel est interdit. Mais si nous disons que cela est interdit, et qu'une personne lève le regard vers le ciel, est-ce que cela signifie que sa prière est invalide? La réponse à ce sujet est que les gens de science ont divergé sur cette question. Certains ont dit que la prière devient invalide, elle est annulée. Mais le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce qui est apparent est que ceci n'annule pas la prière, mais que la prière de cette personne est en danger. Et nul doute qu'il est dans le péché pour avoir lever le regard vers le ciel. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de rappeler cette interdiction autour de nous, car nombre de personnes tombent dans ce péché, peut-être par ignorance ou insouciance durant leur prière, et plus particulièrement lorsqu'ils se relèvent de l'inclination. Vous observerez nombre de prières qui, en se relevant de l'inclination, vont lever le regard vers le ciel. Il faut donc prendre garde à cela et délaisser cet acte qui est interdit, comme nous le démontre la menace sévère prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَصَلَاتُهُ إِلَى صُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ أَوْ إِلَى وَجْهِ آدَمِي وَاسْتِقْبَالُ نَارٍ وَلَوْ سِرَاجًا » Il est détestable qu'il prie en direction d'une image dressée c'est-à-dire que ce soit une statuette qui est posée devant lui, ou une photo sur un mur, ou autre chose semblable. Ou en faisant face à un être humain, ou en direction d'un feu ou d'une torche. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il a mentionné trois questions. La question de la prière en direction d'une image, c'est-à-dire une image d'un être animé. La prière en direction d'une personne, en faisant face à elle. Et la prière en direction du feu. Concernant la première et la troisième question, le fait de prier en direction d'une image qui est dressée devant lui, ou en direction du feu, ceci est interdit en raison de l'assimilation qu'il y a en cela à ceux qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les savants de l'Ajna Da'ima, sous la présidence de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ont dit « La prière dans un lieu dans lequel il y a une sourate, il y a une image, en face des prières, est une assimilation, une ressemblance aux adorateurs de statues. Et de nombreux hadiths sont venus nous démontrant l'interdiction de ressembler, de s'assimiler aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de s'opposer à eux. Tout en sachant que suspendre des images d'êtres doux et d'âmes sur les murs est une chose qui n'est pas permise. Mais c'est plutôt une cause d'exagération et de polythéisme, d'autant plus si ces photos ou ces représentations sont des représentations de personnes révérées. » Fin de citation de leurs paroles. Rahimahumullah ta'ala. Donc qu'en est-il de la prière accomplie dans un tel endroit? Est-ce que la prière est valide ou non? La réponse, comme l'a mentionné le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, est que la prière est valide si le musulman l'accomplit de manière légiférée. Si par exemple tu te trouves chez quelqu'un qui a des photos sur les murs ou autres représentations d'êtres doués d'âme, et que tu ne peux pas prier ailleurs que dans cet endroit. Il n'y a pas de pièce où ces représentations ne sont pas présentes, et tu ne peux pas aller prier ailleurs. Alors dans cette situation, tu pourras prier dans cet endroit et ta prière sera valide, tout en sachant que prier ailleurs est meilleur et plus méritoire. Car la prière dans un tel endroit est détestable, d'autant plus si tu peux aller prier ailleurs. Et il est à souligner, comme l'ont fait les savants de l'Ajna Da'ima, l'interdiction d'ériger des représentations ou des figurines et l'interdiction de suspendre sur les murs des photos ou autres. Et l'obligation est de les retirer. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été interrogé sur la prière d'une personne dans la maison de son frère dans laquelle il y avait ce genre de représentation, il lui a dit que l'obligation était de conseiller cette personne de retirer ces représentations qui étaient suspendues et de ne pas les laisser dans la maison. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une sourate, c'est-à-dire une représentation, une image d'un être doué d'amour, un chien. » Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ne laisse aucune image sans l'effacer. » Il est donc nécessaire de commander le bien et d'interdire le mal et de se conseiller mutuellement à ce sujet et de ne pas être négligent. Car malheureusement, ce péché est un péché qui est répandu et qui est aujourd'hui très banalisé chez les musulmans et même chez ceux qui prétendent s'attacher au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne laisser aucune image sans l'effacer. Tel est l'ordre de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu pries dans un endroit où il y a des images, alors ceci est détestable. Il se peut que la récompense de cette prière soit diminuée. Tu ne prieras donc dans cet endroit qu'en cas de nécessité si tu n'as pas trouvé d'autre endroit où prier. La troisième question que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée ici, dans cette phrase, et la prière face à une personne, c'est-à-dire en faisant face à son visage. Et ce, car ceci va être perturbant pour le prieur et le distraire durant sa prière. Mais si la personne est de dos, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Il est certes rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a prié un jour dans sa maison alors que Aïcha, radiyallahu anha, était allongée devant lui. Donc il n'y a pas de mal en cela. Et de manière générale, on dira que le prieur s'écartera de tout ce qui peut le distraire, tout ce qui peut le perturber et l'empêcher de se recueillir durant sa prière, il convient de s'en écarter. Ne laisse pas devant toi, dans ta qibla, lorsque tu pries des choses qui vont te perturber et te distraire, au risque de diminuer de la récompense de ta prière. Et entre dans cela cette question que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée, que tu pries alors qu'il y a quelqu'un qui fait face à toi. Il y a son visage devant toi. Ceci est perturbant et risque de te déranger durant ta prière. Et c'est pour cela que c'est détestable. Mais si cette personne est assise et dos à toi, alors il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, et tu peux même la prendre pour sutra, tant que cette personne ne va pas te perturber en parlant ou en bougeant. Et il est d'ailleurs rapporté de Nafi', rahimahullah, l'élève de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, que lorsque Abdullah ibn Umar voulait prier et qu'il ne trouvait pas de place derrière un pilier parmi les piliers de la mosquée, il lui disait alors, donne-moi ton dos, c'est-à-dire tourne-toi afin que je puisse te prendre pour sutra. Donc ce qui est détestable, c'est de prier face au visage de la personne et non pas face à son dos. Et on a mentionné ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui priait alors que Aïcha radiallahu anha était allongée devant lui. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Waftirashu dhira'ay fi sujoud » Et il est détestable aussi d'allonger ses avant-bras, c'est-à-dire de poser ses coudes au sol, durant la prosternation. Et ceci car il y a en cela une ressemblance au chien. Et on a vu le hadith à ce sujet lors de la description de la prosternation. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Wa la yadkhul fiha wa huwa haqin ou haqib ou bihadrati ta'amin yashtahi » Et il n'entre pas en prière alors qu'il est haqin, c'est-à-dire qu'il se retient d'uriner, ou haqib, c'est-à-dire qu'il se retient de l'autre besoin, ou en présence d'une nourriture qu'il désire. « Bal yu'akhiruha » Walau fatathul jama'a, mais il la retarde, même si cela le mène à louper la prière en groupe. Donc il est détestable pour la personne d'entrer en prière alors qu'elle se retient de faire ses besoins ou qu'il y a une nourriture qu'elle désire qui est posée et qu'elle peut consommer. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ni lorsqu'il repousse ses besoins. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière complète. La récompense de sa prière va en être diminuée, car il va être perturbé. Il ne va pas pouvoir se recueillir et se concentrer alors qu'il est perturbé par la faim ou perturbé par ses besoins. En ce qui concerne le fait de retenir ses besoins, il y a pour lui une nuisance physique. Et il y a également une nuisance sur sa prière. Car celui qui se retient, il ne pourra pas prier d'un cœur présent. Mais il sera concentré sur le fait de repousser ses besoins et de se retenir. Et il en est de même pour celui qui retiendrait un vent durant la prière. Il est détestable de prier en cette situation. Mais ce qui est attendu de la personne est qu'elle aille faire ses besoins, qu'elle fasse à nouveau les ablutions, puis qu'elle accomplisse sa prière. Même si le temps de faire ses besoins et de refaire les ablutions lui font manquer la prière en commun, elle est excusée, car elle ne pouvait pas entrer en prière dans cette situation. Et de la même manière, en présence d'une nourriture que tu désires, il est détestable de prier dans cette situation. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné deux conditions. Que la nourriture soit présente, car si la nourriture n'est pas présente, si tu ne l'as pas encore achetée par exemple, alors tu n'es pas concerné par cette interdiction. Et également, il a mentionné la deuxième condition, que tu désires cette nourriture. Car, si tu n'as pas faim, que tu es rassasié déjà, même si la nourriture est présente, il n'est pas détestable pour toi d'aller prier. Et la troisième condition que l'on pourrait rajouter est que tu puisses consommer cette nourriture. Que tu puisses la consommer physiquement et que tu puisses la consommer religieusement. En effet, il se peut qu'une nourriture soit présente, mais que celle-ci ne t'appartienne pas, que tu n'aies pas le droit de la toucher ni de la consommer. Donc religieusement, tu ne peux pas la consommer. Par conséquent, tu n'es pas concerné par cette interdiction et tu te rendras à la prière. Également, il se peut que la personne jeûne et qu'elle soit affamée. On ne va pas lui dire de retarder la prière jusqu'à ce qu'elle mange, non. Car elle est en train de jeûner. Donc, elle va aller accomplir sa prière. Et de la même manière, si la nourriture qui est posée est trop chaude pour être consommée, par exemple, ou qu'elle n'est pas encore cuite à point, elle ne peut donc pas être mangée ni consommée. De ce fait, ceci n'empêchera pas la personne de se rendre à la prière. Et il n'attendra pas que cette nourriture refroidisse, car il n'y a pas d'intérêt en cela. Et j'attire votre attention concernant le fait que ce que l'on vient de mentionner concernant la nourriture qui est posée ne concerne pas la prière du Maghrib durant le mois de Ramadan. Et ce car, à ce moment, dans la majorité des maisons des musulmans, la table est posée et les gens ont faim et désirent manger. Toutefois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté de lui à ce sujet, est que lorsque venait le coucher du soleil, il rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches s'il n'en avait pas, quelques dattes sèches et s'il n'en avait pas alors quelques gorgées d'eau. Telle est la sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'en allait prier. Et c'est ainsi qu'il convient de faire, et on ne fait pas précéder le repas à la prière. Mais tu romps ton jeûne, puis tu te rends à la prière, et ensuite, si tu désires manger un plus grand repas, alors nul gêne à toi, inshallah ta'ala. Mais tu ne dois pas manquer la prière pour cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُكْرَهْ مَسُّ الْحَصَى وَتَجْبِيكُ أَصَابِعِهِ وَاعْتِمَادُهُ عَلَى يَدَيْهِ فِي جُلُوسِهِ » Et il est détestable de toucher les cailloux, c'est-à-dire lorsqu'il serait assis, par exemple, durant la prière, de toucher le sol, ou de croiser ses doigts, ou de se reposer sur sa main durant l'assise. Tout ceci est interdit durant la prière, car cela relève des gestes futiles qui te détournent du recueillement attendu durant la prière. Donc lorsque tu es assis, tes mains sont posées sur tes cuisses et tes genoux, et tu ne les poses pas sur le sol, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et tu ne joues pas avec ce qui se trouve sur le sol, ni avec la moquette, ni avec la terre si tu pries à l'extérieur ou autre. Et également, tu ne touches pas autre chose avec tes mains. C'est pour cela qu'il dit après, « وَلَمْسُ لِحْيَتِهِ » Il est aussi détestable de toucher sa barbe. Beaucoup ont tendance, durant la prière, à passer leurs mains dans leur barbe. Et ceci fait partie des gestes qui sont inutiles et qui nous font perdre une part de la récompense de notre prière. Donc le musulman, il laisse ses mains à l'endroit où il est légiféré de les poser, selon les différentes positions de la prière. Car toucher sa barbe s'oppose au khushu', s'oppose à l'humilité qui est attendue du musulman durant sa prière. Ensuite, il dit « وَعَقْسُ شَعْرِهِ وَكَفُّ ثَوْبِهِ » et ses cheveux de les nouer et de retenir son vêtement. C'est-à-dire que lorsqu'il va se prosterner, il doit entièrement se prosterner avec ses cheveux et ses vêtements. Il ne doit pas empêcher ses vêtements de toucher le sol, comme le font certaines personnes qui les relèvent pour que les vêtements ne touchent pas le sol, comme ceux qui vont prier avec une rutra. Ils vont par exemple la placer derrière leur dos pour qu'elle ne tombe pas sur le sol lors de la prosternation. Et ceci est une erreur et cela est détestable durant la prière, car lorsque tu te prosternes, tes vêtements se prosternent avec toi. Et également, en ce qui concerne l'homme, il ne va pas nouer ses cheveux lorsqu'il accomplit la prière. Et la majorité des gens de science ont mentionné que ceci est général, que ses cheveux aient été noués pour la prière ou avant cela. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « On m'a ordonné de me prosterner sur sept membres et que je ne retienne ni cheveux ni vêtements. » C'est-à-dire que tu laisses, si tu as des cheveux longs, tu laisses tes cheveux se poser au sol. Et si tu as un vêtement qui va tomber, lorsque tu vas te prosterner, tu laisses ce vêtement tomber au sol et tu ne le retiens pas. Et dans une autre narration du hadith, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit « Celui qui prie alors que ses cheveux sont noués derrière lui, il est comme celui qui prie alors que ses mains sont nouées à ses épaules. » C'est comme s'il ne posait pas ses mains, il ne pose pas une partie de ce qu'il doit poser au sol durant sa prosternation. Donc celui qui a les cheveux longs, il se prosterne et il laisse ses cheveux tomber au sol, et il prend cela une part de récompense. Et ce qui concerne les cheveux est spécifique aux hommes et ne concerne pas les femmes. La femme qui a les cheveux noués ou tressés peut les laisser nouer ou tressés alors qu'elle accomplit sa prière. Car, quoi qu'il en soit, ses cheveux sont sous son voile. Ils ne vont pas tomber au sol. Il peut même être recommandé pour elle de les nouer afin d'être sûr qu'il ne sorte pas de sous son voile. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa in tathahaba kadhama ma istata'a. Et s'il baille, il se retient autant que possible. Fa in ghalabahu wada'a yadahu 'ala famihi. Et si le bâillement prend le dessus, alors il pose sa main sur sa bouche. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bâillement provient du diable, donc si l'un d'entre vous bâille, qu'il se retienne autant que possible, qu'il empêche ce bâillement autant que possible. » Et dans le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous bâille, qu'il retienne cela avec sa main sur sa bouche, car le diable s'y introduit. » Donc, si le bâillement te vient de manière générale, et même durant la prière, il convient de le repousser. Et si celui-ci prend le dessus et que tu n'arrives pas à le repousser, alors tu places ta main sur ta bouche. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيُكْرَهُ تَسْوِيَةُ التُّرَابِ بِلَا عُذْرَ. Et il est détestable d'aplanir la terre sans excuse. Lorsque la personne prie dehors, il se peut qu'elle soit amenée à prier sur la terre. Et les mosquées, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur sol était fait de terre. Il n'y avait pas les moquettes comme aujourd'hui. Et il est donc détestable pour la personne qui prie, dans cette situation, d'aplanir la terre durant la prière. Et s'il y a un besoin à le faire, comme si le sol n'est pas droit, ou qu'il y a des choses gênantes, alors elle ne le fera qu'une seule fois au moment de la première prosternation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme aplanir le sol lors de sa prosternation et il lui a dit « Si tu dois le faire, alors une seule fois. » Et ce car ceci est une forme de geste futile durant la prière. Et cela va empêcher la personne de prier d'un cœur présent car elle va se concentrer sur le sol. Tout le long de sa prière, elle va retirer ce qu'il y a sur le sol devant elle. Et de la même manière, si tu pries sur autre que de la terre, sur de la moquette ou autre, et qu'il y a certaines choses qui te gênent devant toi durant la prière, si tu dois le faire, tu ne le fais que pour la première prosternation. Tu retires ce qui te gêne et ensuite, tu te concentres sur ta prière. Car le fait de multiplier des gestes inutiles dans ta prière s'oppose à la perfection du recueillement qui est attendu du musulman durant la prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَيَرُدُّ الْمَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ بِدَفْعِهِ آدَمِيًا كَانَ الْمَارَ وَغَيْرَهُ فَرْضًا كَانَتِ الصَّلَةِ وَنَفْلًا. Et il repousse celui qui passe devant lui, c'est-à-dire durant la prière, même s'il doit le pousser, que ce soit un être humain ou autre, c'est-à-dire que ce soit un homme ou un animal. Même si un animal s'apprête à passer devant toi alors que tu pries, il convient de ne pas le laisser passer dans la mesure du possible. Et ce qui est légiféré dans cette situation est de t'approcher de ta sutra. Si tu pries devant un mur, tu te colleras au mur afin que l'animal passe derrière toi et qu'il ne passe pas entre toi et ta sutra. Et il est également possible d'agir de cette manière si un enfant en bas âge qui ne comprend pas s'apprête à passer devant toi. Si tu mets ta main, il se peut qu'il se mette à pleurer. Alors, pour éviter cela, s'il ne comprend pas qu'il est trop petit, tu t'approches de ta sutra, afin qu'il passe derrière toi. Et ainsi, le problème sera réglé, incha'Allah ta'ala. Et l'auteur nous dit qu'il n'y a pas de différence à ce sujet entre la prière obligatoire ou la prière surérogatoire. Le jugement est le même, tu ne laisses passer personne devant toi. Ensuite, il dit, fa'in aba falahu qitaluhu. Et s'il refuse, c'est-à-dire s'il refuse de s'abstenir de passer après que tu l'aies repoussé, alors il peut le combattre. Qu'est-ce que cela signifie, il peut le combattre? Est-ce qu'il va sortir des armes et se mettre à le combattre comme on combattrait sur un champ de bataille? Est-ce qu'il va le taper? Qu'est-ce qui est voulu par cela? Ibn Abdilbar, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet que les gens de science sont unanimes concernant le fait qu'il ne le combat pas avec l'épée. Et qu'il ne lui parle pas, et qu'il ne doit pas faire une chose qui va corrompre sa prière. Car ceci serait plus nuisible pour lui que le passage de cette personne devant lui. Ensuite il dit, rahimahullah, et je ne pense pas qu'une personne qui ignore l'interdiction de passer, ou qui a oublié, puis passe devant un prieur, je ne pense pas qu'elle ait besoin de plus que le fait d'être repoussée. Ceci est suffisant de manière générale. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que tu dois veiller à ne laisser personne passer devant toi aux prières. Ensuite il dit, rahimahullah, walau masha yasiran, même si tu dois marcher un peu, faire quelques pas pour empêcher la personne de passer. Tu l'as repoussé une première fois, il continue. Tu peux le repousser en faisant quelques pas en avant, afin qu'il ne passe pas devant toi. Ensuite il dit, rahimahullah, وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّ وَبَيْنَ سُتَرَتِهِ. Et il est interdit de passer entre le prieur et sa sutra. وَبَيْنَ يَدَيْ إِلْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُتَرَ. Et devant lui s'il n'a pas de sutra. Donc, si tu es en prière et que quelqu'un s'apprête à passer devant toi, tu repousses cette personne, ou si c'est un enfant en bas âge ou un animal, tu t'approches de ta sutra pour qu'il passe derrière toi. Et si la personne, si c'est un adulte doué de raison et qu'il ne comprend pas lorsque tu mets ta main, tu peux le repousser avec force. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous prie en direction d'une chose qui le couvre des gens, c'est-à-dire en direction d'une sutra, et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le repousse. S'il refuse, qu'il le combatte, car celui-ci est un diable. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et il est interdit donc de passer entre une personne qui prie et sa sutra. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il y avait sur lui, c'est-à-dire comme fardeau, comme péché, il serait meilleur pour lui d'attendre 40 plutôt que de passer devant le prieur. 40, peut-être 40 jours, peut-être 40 ans, peut-être 40 siècles, on ne sait pas, wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, ce qui est visé, qu'il est préférable pour lui d'attendre. Car ceci est un péché. Tu ne dois pas volontairement passer devant une personne qui prie. Et il est strictement interdit de passer entre cette personne et sa sutra. Et si la personne n'a pas de sutra, comment faire ? Dans beaucoup de mosquées, les gens prient sans sutra, malheureusement. Et si la personne tarde un peu après la prière, elle va se lever et trouver nombre de personnes qui prient en tout lieu de la mosquée et sans sutra. Donc comment faire dans cette situation ? La réponse est que si la personne n'a pas de sutra, alors tu ne passeras pas devant elle à hauteur de 3 coudées environ. C'est-à-dire approximativement 1,50 m, on va dire. Au-delà de cela, tu peux passer. C'est-à-dire que tu fais comme s'il avait une sutra, et tu passes au-delà de cela. Et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Et la distance de 3 coudées est la distance qu'il convient de laisser entre toi et ta sutra lorsque tu pries, lorsque tu es debout. Comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié dans la Kaaba, entre 2 piliers, il y avait entre lui et le mur l'équivalent de 3 coudées, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et lorsque tu es prosterné, entre ta tête et la sutra, il y a environ un espace suffisant pour qu'un ovin puisse passer. Et les gens de science l'ont évalué à l'équivalent d'un empan. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a dit, وَلَهُ قَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقُمْلَةٍ. Et il lui est permis, c'est-à-dire durant la prière, de tuer un serpent, un scorpion ou un pou. Donc lorsque tu es en prière, si tu aperçois une bête nuisible qui peut être dangereuse comme un serpent ou un scorpion, et que cette bête est dans ta qibla, elle est devant toi, il t'est possible de la tuer. Tu peux prendre quelque chose pour le frapper s'il est devant toi, ou si c'est un scorpion et que tu as des chaussures, l'écraser avec ton pied. Il n'y a pas de gêne en cela. Et également tout insecte qui peut être nuisible. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné l'exemple du pou, mais il en est de même pour une araignée qui peut être dangereuse ou autre chose semblable. Ceci est dans le cas où cette bête se trouve dans ta qibla. Mais si tu la vois passer devant toi et qu'elle part ensuite dans une autre direction, et que tu as peur que celle-ci te nuise ou nuise à une personne dans la maison, alors dans cette situation, il t'est permis de couper ta prière. Et il n'y a pas de gêne en cela, tu seras excusé en raison du danger, inshallah ta'ala. Et la preuve qu'il est permis de les tuer durant la prière est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Tuer les 2 noirs durant la prière, le serpent et le scorpion. » Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud, rahimahullah ta'ala. Ensuite il a dit, rahimahullah, « Wa ta'dilu thawb wa imamah. » Et il lui aussi permis durant sa prière d'arranger son vêtement ou son turban. Si par exemple la personne a son turban qui s'est dénoué durant la prière, il lui est permis de l'arranger et de le renouer. Si une personne prie en izar et que le izar s'apprête à tomber, il est permis à la personne d'arranger son izar et de le renouer afin qu'il ne tombe pas. De la même manière, si une femme a son voile qui tombe durant la prière, il lui est permis de l'arranger et de le remettre en place. Il n'y a pas de gêne en cela tant qu'il y a une raison. Par contre, on ne fera pas cela inutilement, sans raison, mais on ne le fait que par besoin. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَحَمْلُ شَيْءٍ وَوَضْعُهُ. Il lui est aussi permis durant la prière de porter une chose et de la poser. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, diriger la prière aux gens. Et il y avait Umama, la fille de Abil As, qui est la fille de Zainab, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur son épaule, c'est-à-dire qu'il la portait. Lorsqu'il s'inclinait, il la posait. Et lorsqu'il se relevait de la prosternation, il la remettait à sa place. Donc on voit que durant toute sa prière, il la portait, puis il la posait, puis il la reportait, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Et c'est de cette manière qu'il convient d'agir lorsqu'on a besoin de porter un enfant durant la prière. Un enfant en bas âge qui a besoin d'être calmé, ou que sa mère ne peut pas laisser car il va pleurer, et qu'elle préfère le porter afin de pouvoir prier dans le calme et le silence. Elle agira de cette manière. Elle le prend dans ses bras, elle fait sa prière. Au moment de l'inclination, elle le pose au sol à côté d'elle. Puis, lorsqu'elle se relèvera de la prosternation, elle le reporte. Et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, « Walahu isharatun biyad wa wajhin wa aynin lihajah. » Et il lui est permis de faire un signe de la main, un signe du visage, ou un signe de l'œil en cas de besoin. Donc lorsque tu pries, s'il y a un besoin à t'adresser à autre que toi, il n'y a pas de gêne à faire un signe pour cela. La preuve à ce sujet est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était souffrant, des gens parmi ses compagnons radiyallahu anhum sont venus le visiter. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié assis. Ils se sont alors mis à prier derrière lui debout. Il a alors fait un signe avec sa main pour leur faire comprendre de s'asseoir. Il leur a fait signe de s'asseoir. Donc on voit qu'il s'est adressé à eux alors qu'il priait en faisant un signe. Donc il n'y a pas de gêne à faire un signe de la main s'il y a un besoin. Et également, il n'y a pas de gêne à répondre d'un signe de la tête si une personne a besoin de te demander une chose urgente. La preuve à ce sujet, le hadith rapporté par Asma, la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhuma, la sœur de Aïcha. Lorsqu'il y a eu une éclipse, elle s'est rendue auprès de Aïcha alors que cette dernière priait. Elle lui a dit « Qu'est-ce qu'ont les gens ?» Alors Aïcha lui a fait un signe de sa main en direction du ciel. Les gens étaient en train de prier. Alors Asma a dit « Subhanallah ». C'est une aya, c'est un signe. Et Aïcha lui a dit « Oui » d'un mouvement de sa tête. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc s'il y a un besoin à t'adresser à une personne qui n'est pas en prière, il n'y a pas de gêne à le faire de cette manière, d'un signe de la tête, d'un signe de la main ou d'un signe des yeux. Et bien sûr, ceci n'a lieu qu'en cas de besoin. Ensuite, l'auteur, rahimahumallahu ta'ala, a dit « وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّ وَلَهُ رَدُّهُ بِالْإِشَارَةِ » Et il n'est pas détestable d'adresser as-salam, d'adresser les salutations à celui qui prie. Et celui qui prie peut répondre par un signe, c'est-à-dire par un signe de la main. Et ce, comme le démontre le hadith, rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti à Quba pour y prier. Et des ansars sont venus et lui ont adressé as-salam alors qu'il priait. Abdullah ibn Umar dit alors à Bilal, comment as-tu vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondre lorsqu'il lui adressait as-salam et que lui priait? Il lui a alors décrit le mouvement de la main. Il a montré que la paume de la main était en direction du sol et le haut de la main en direction du ciel. Il lève donc sa main simplement en mettant la paume vers le sol et le haut de la main vers le ciel. Et ceci est un signe qui suffit pour répondre au salam lorsque tu pries. Ensuite, il dit, rahimahullah, ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. Et il peut souffler à son imam si celui-ci s'en mêle, c'est-à-dire dans sa récitation, ou qu'il se trompe. Et s'il est distrait durant sa prière, l'homme fera le tasbih, il dira subhanallah, et la femme tapera des mains. Donc lorsque tu es dans la prière en commun, si l'imam est confus dans sa récitation, ou qu'il se trompe, qu'il oublie un verset ou une partie d'un verset, ou qu'il passe d'un verset à un autre sans s'en rendre compte, ou qu'il change de sourate, il est permis de lui souffler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en prière et était confus dans sa récitation. Lorsqu'il a terminé, il a dit à Ubay, qui est un des compagnons radiyallahu anhum parmi les grands lecteurs du Coran, « As-tu prié avec nous ?» Ubay lui a répondu que oui. Il dit alors « Qu'est-ce qui t'a empêché » C'est-à-dire « Qu'est-ce qui t'a empêché de me souffler ?» Donc on voit que il est légiféré pour ceux qui prient derrière l'imam de lui souffler en cas de besoin. Et ceci est légiféré pour les hommes lors de la prière en commun. En ce qui concerne les femmes, si elles prient entre elles, il n'y a pas de gêne à cela, inshallah ta'ala. Et également, si une femme prie avec son mari, ou avec son père, ou avec son frère, un de ses maharim, et qu'il n'y a pas d'homme étranger, et que celui qui dirige la prière parmi ses maharim oublie un verset ou se trompe, il n'y a pas de gêne à ce qu'elle lui souffle durant la prière. Et si l'imam est distrait, qu'il se trompe, qu'il s'incline au lieu de se prosterner, ou qu'il se relève avant la deuxième prosternation, qu'il fait une erreur quelconque dans sa prière, les fidèles vont l'avertir. Et de quelle manière ceci va avoir lieu? Les hommes diront « Subhanallah » afin qu'ils se ressaisissent et se rendent compte qu'il s'est trompé. Et les femmes, elles, taperont des mains, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les hommes prononcent le tasbih et que les femmes tapent des mains. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Wa in badarahu busaq aw mukhat wa huwa fil masjid » بسق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره ويكره أن يبسق قدامه وعن يمينه. Et s'il a besoin d'évacuer de la salive ou des glaires, et qu'il se trouve dans la mosquée, il va alors faire cela dans son vêtement. Et s'il est à l'extérieur de la mosquée, il fera cela à sa gauche, s'il n'y a personne à sa gauche, et il est détestable qu'il crache devant lui ou à sa droite. Ceci est fortement détestable lorsque la personne est en prière. Donc, si une personne a un excès de salive ou d'éclair qu'elle a besoin d'évacuer et qu'elle se trouve dans la mosquée, elle le fera dans son vêtement ou dans un mouchoir ou autre chose semblable, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Et certains pourraient se dire que ceci est évident, que l'on ne va pas cracher dans la mosquée. Mais cette question est mentionnée car auparavant, il n'y avait pas de moquette dans les mosquées. Le sol était en terre. Donc, il était possible que ceci se produise. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Il a dit, lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il s'adresse à son Seigneur, alors qu'il ne crache pas en direction de la Qibla, mais à sa gauche ou sous son pied. Puis il a pris un morceau de son pagne, et a craché dedans, puis l'a replacé sur lui. Et il a dit, ou qu'il fasse ainsi, ou qu'il agisse de cette manière. Il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala, si la personne en a besoin. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَتُكْرَحْ صَلَاتُ غَيْرِ مَأْمُومٍ إِلَا غَيْرِ سُتَرَحْ وَلَوْ لَمْ يَخْشَ مَارًا. Et il est détestable de prier, si ce n'est en direction d'une sutra, à l'exception du fidèle, même s'il ne craint pas qu'une personne passe. Donc l'imam et celui qui prie seul, il est légiféré pour eux de prendre une sutra devant eux lorsqu'ils prient, qu'ils posent à une distance d'environ 3 coudées. Quant aux fidèles qui prient derrière l'imam, ils n'ont pas besoin de sutra car leur sutra est la sutra de l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre une sutra durant sa prière. Il ne demandait pas aux fidèles derrière lui de le faire. Et les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un jour prié le dhuhr et l'asr alors qu'il avait un bâton ou un pic devant lui et qu'il y avait des femmes ou des ânes qui passaient derrière cette sutra. C'est ainsi qu'il avait l'habitude d'agir, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith rapporté par Talha, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Si l'un d'entre vous pose devant lui l'équivalent de l'arrière d'une selle, alors qu'il prie et qu'il ne se soucie pas de ce qui passe au-delà. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que tu ne te soucies pas de ce qui passe au-delà de ta sutra, mais tu protèges simplement l'espace qu'il y a entre toi et ta sutra. Ensuite, il dit « Min jidarin au shay'in shakhis ka harbatin au ghayri dhalik, mithlu akhiratul rahl. » Il prend pour sutra un mur ou une chose dressée devant lui comme une lance ou autre chose semblable, équivalent à l'arrière d'une selle. Donc la sutra, elle n'a pas de description particulière. Lorsque tu entres à la mosquée, tu peux prier derrière un pilier, en direction d'un mur, ou toute autre chose semblable, équivalent à l'arrière d'une selle. Comme le démontre le hadith de Talha, radiyallahu anhu, que l'on vient de citer. Et Aïcha, radiyallahu anha, rapporte qu'elle a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la sutra, et que ce dernier lui a répondu que celle-ci équivaut à l'arrière d'une selle. Et les gens de science ont divergé concernant sa mesure. Et le mieux est qu'elle fasse au minimum un empan, ou plus, si cela est possible. Concernant le hadith, rapporté au sujet de celui qui ne trouve rien et qui trace un trait devant lui, alors ce hadith est un hadith qui n'est pas authentique, mais que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a jugé comme faible. Ensuite il dit « وَيُسَنُّ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهَا » et il est recommandé qu'il s'approche de sa sutra. Comme on a vu, il laisse la distance de 3 coudées. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدن منها. Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie en direction d'une sutra et qu'il s'en rapproche. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud, رحمه الله تعالى. Ensuite il dit وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. Et il se décale légèrement de sa sutra comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est rapporté à ce sujet n'est pas authentique comme l'a mentionné le cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, dans son commentaire. Ensuite il dit « Wa in ta'adhara khatta khattan » et s'il ne trouve pas de sutra alors, il trace un trait. Et comme on a dit, le hadith à ce sujet n'est pas authentique. « Wa idha marra min wara'iha shay'un lam yukrah » et si quelque chose passe au-delà de sa sutra, alors ceci n'est pas détestable. Il n'y a aucune gêne. Tu ne te soucies pas de ce qui passe au-delà de ta sutra. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُتْرَ أَمَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِمْرَأَةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ. Et s'il n'a pas de sutra, ou que passe entre lui et sa sutra, une femme, c'est-à-dire une femme pubère, un chien ou un âne, sa prière est invalide. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prière est coupée par la femme, l'âne et le chien, et on se protège de cela par l'équivalent de l'arrière d'une selle, par une sutra, équivalent à l'arrière d'une selle, à la hauteur de l'arrière d'une selle. » Il est donc légiféré pour le prieur de prendre devant lui une sutra, même s'il se trouve dans la mosquée. Même s'il se trouve dans la mosquée sacrée de la Mecque. Il n'y a pas d'exception en cela. Même si tu es à Mecca ou à Al-Médina, certes il y a du monde, mais tu dois veiller à prier dans un endroit qui n'est pas un endroit de passage des gens. Car si une femme passe devant toi alors que tu pries, ta prière sera invalide. Donc il faut faire attention à cela, barakallahu fikum. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَهُ قِرَاءَ فِي الْمُصْحَفِ وَالسُّؤَالِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ وَالتَّعَوُّذِ عِنْدَ آيَةِ الْعَذَابِ » et il lui est permis de lire à partir du mushaf, d'invoquer lors de la lecture des versets sur la miséricorde, afin de demander la miséricorde, et de chercher refuge auprès d'Allah, lors de la lecture de versets concernant le châtiment. Donc, celui qui en a besoin, pour sa prière de nuit par exemple, que ce soit la prière de Tarawih ou la prière de nuit durant l'année, qui souhaite clôturer la lecture du Coran mais qui ne le mémorise pas ou ne le mémorise pas entièrement ou pas correctement, il n'y a pas de gêne à ce qu'il cède du mushaf et qu'il le place devant lui pour prier. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le chapitre concernant la direction de la prière de l'esclave, que Aïcha radiyallahu anha se faisait diriger la prière par son servant Zakwan qui lisait à partir du mushaf. et il est rapporté également de Muhammad ibn Sirin, d'Al-Hassan et autres parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, la permission de cela. Donc ceci concerne lorsqu'il y a un besoin comme pour la prière de nuit. Mais lors de tes prières obligatoires, il ne t'est pas demandé de lire à partir du mushaf. Mais tu liras ce qu'il t'est facilité du Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lisez ce que vous pouvez du Coran. Et l'essentiel est que tu récites la Fatiha. Si tu as récité la Fatiha, ta prière est valide. Et ce que tu ajoutes à cela est recommandé. Et on ne prendra pas le mushaf pour lire à partir de celui-ci durant les prières obligatoires. Mais dans les prières qu'il est recommandé de prolonger longuement comme la prière de nuit, alors il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Et comme l'a mentionné l'auteur, la sunna, lors de la lecture durant la prière de nuit plus particulièrement, est que lorsque tu lis un verset concernant la miséricorde, la récompense des gens du paradis, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, place-moi parmi eux, oh Allah, fais-moi miséricorde, oh Allah, accorde-moi de ta grâce, et ainsi de suite. Et lorsque tu lis un verset concernant le châtiment, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de ce châtiment, de te préserver de l'enfer. Comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lisait lentement, et lorsqu'il lisait un verset dans lequel il y avait le tasbih, il faisait le tasbih. Lorsqu'il passait par un verset où il y avait une invocation, il invoquait. Et lorsqu'il passait par un verset dans lequel il y avait une recherche de refuge, il cherchait refuge auprès d'Allah. Donc ceci est recommandé dans les prières surérogatoires, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui qu'il faisait cela dans la prière de nuit. Et il n'est pas rapporté de lui qu'il faisait cela dans les prières obligatoires. Malgré cela, on dira, comme l'a mentionné le cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, que cela est permis durant les prières obligatoires, mais que ce n'est pas recommandé, et cela est une sunna dans les prières de nuit. Wallahu ta'ala a'lam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on verra dans le cours prochain les piliers et les obligations de la prière ainsi que les choses recommandées. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم